regardé, je lui dis plus le pas dans l'eau, il m'a mis un pied dans la flaque. Je suis mort. Je lui ai pas sauté, puis...